Matière sensible, la fiction. Aujourd'hui, Audiard Lautner dans la cuisine des tontons flingueurs. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Philippe Touzet, réalisée par Anne-Sophie Picon. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la fiction, nous vous racontons l'histoire des Tontons Flingueurs, un film réalisé par Georges Lautner, écrit par Michel Audiard, avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche, Claude Rich et Jean Lefebvre. Une distribution de gala pour un film qui deviendra très vite culte. Dès sa sortie, le 27 novembre 1963, le public parisien découvre les Tontons Flingueurs, des dialogues taillés sur mesure, une comédie populaire qui va vite devenir une référence et faire de leurs auteurs des maîtres adulés ou détestés de l'humour à la française. Le succès de cette comédie, qui mêle des truands délirants sur fond de rythme yéyé et de coups de flingue à silencieux, reste un phénomène. Mais si le public adhère, certains critiques, comme Truffaut et Godard, au nom de la Nouvelle Vague, voient dans ces dialogues un triple mépris du cinéma, des personnages, du film et du public. Toujours dans les années 60, Henri Chapier parle, lui, de cinéma de chansonnier. Et ce n'est pas tout. En 1970, le célèbre critique Jean-Louis Borry écrit dans le Nouvel Obs cette phrase terrible « J'ai déjà marché dans du Audiard, mais c'était du pied gauche et ça m'a porté chance ». C'est vrai que l'histoire est simple. Fernand Audin, Lino Ventura, gère à Montauban une petite entreprise de tracteurs qui ne lui cause aucun souci. Il reçoit un message d'un ami de jeunesse, un certain Louis. À l'article de la mort, Louis dit le Mexicain demande à Fernand de veiller sur sa fille, Patricia, et de s'occuper de ses affaires plus ou moins louches. Très vite, la situation s'envenime, Patricia n'en fait qu'à sa tête, et les nouveaux associés de Fernand Audin, de fief et canaille, ne pensent qu'à s'entretuer. Fernand finit par perdre son calme et par distribuer des coups de revolver à droite à gauche. Ce qu'il résume dans une phrase d'une sagesse et d'une concision remarquable, on ne devrait jamais quitter Montauban. Ou dans cette autre, les cons, ça hausse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Lino Ventura, alias Fernand. Mais moi, les dingues, je les soigne, hein. Je vais lui faire une ordonnance et une sévère, je vais lui montrer qui est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver, éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Bernard Blier, bien sûr, alias Raoul. Ou encore, c'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. Signé Francis Blanche, alias Maître Folas. Revenons 10 mois en arrière, janvier 1963. Dans une salle de réunion de la Gaumont, Michel Audiard, Georges Lautner et Alain Poiret, le producteur, sont assis autour d'une table. Les trois hommes décident du titre du film et c'est ainsi que commence la fiction. Juste après, nous retrouverons notre invité Philippe Touzet, le scénariste de cette fiction, passionné du cinéma d'Audiard et Lautner et grand connaisseur des Tontons Flingueurs. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Ça va rajeunir personne. Elle nous l'a sauvé. J'ai trop un goût de pomme. Il y en a. Audiard Lautner, dans la cuisine des Tontons Flingueurs, de Philippe Touzet. Michel, Georges, vous me faites chier. Ah, alors là, Alain, permets-moi de te dire que d'entrée de jeu, tu places la barre très très haut. On est à peine assis que tu commences par la fin. Je pense que cette discussion aurait mérité un préambule. Deux, trois formules de politesse. Comment allez-vous? Ça va, la famille, les amis? Fait pas très chaud aujourd'hui. On a connu des mois de janvier plus cléments. Enfin, bref, ce genre de choses. J'ai même pas touché mon café. Et moi, j'ai encore la chouquette dans la main. Georges, t'imagines une intro comme ça? Pas de générique, pas de musique, Gabin en gros plan, regard caméra, il prend son temps. Et d'un coup, il balance la purée. Vous savez, les petits gras, vous me faites chier. Oh, c'est bon, ça. Attends, après, on t'envoie la sauce. Musique. Générique. Un travelling sur le vieux qui s'éloigne dans la nuit. Ah, bof. Ah. Oui, bon, t'as raison, Michel, c'est pas terrible. Gros plan sur un pistolet. Coup de feu. Un homme s'écroule. Non, il passe par la fenêtre. Non. Il dégringole l'escalier et il tombe au pied de l'héroïne qui se met à hurler. Oui, on tire quelque chose. Mais vous allez la fermer, vos gueules. Les mouettes. Non, pardon Alain, mais quand quelqu'un dit vos gueules, je dis toujours les mouettes. C'est un tic de langage. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous vous taisiez? Il faut que j'en prenne un pour taper sur l'autre. Alain, je te sens bien énervé. Si t'as des problèmes personnels, on peut en parler. Oh, Je veux qu'on parle des tontons flingueurs. Le terminus des prétentieux. Non, Michel, nous en avons déjà parlé. Le titre du film, ça sera les tontons flingueurs. Moi, je préfère le terminus des prétentieux. Peut-être, mais ça sera les tontons flingueurs. Je le trouve un peu con, ce titre. Michel, il est très bien, ton titre. Mais il colle pas avec l'humeur du film. Ah, merci. Le terminus des prétentieux, ça fait série noire, pure et dure. Tandis que nous, on est dans la comédie, la parodie, le pastiche. Ouais. Et comme dit un copain auvergnat qui vit à Marseille, amène les cacahuètes, c'est l'heure du pastiche. Oh non. Non mais vous avez quel âge? Je vous signale que je vous ai convoqué à la Gaumont, oui, convoqué pour une réunion de travail avec moi, Alain Poiré, ici présent, producteur. J'attends. C'est fini? Oui, c'est fini. Bon. Je vais commencer par un petit historique de la situation. Oh bah t'es pas obligé, on connaît l'histoire. Oui, mais peut-être, mais ça va montrer aux yeux du monde l'étendue de ma patience. Et ça va me soulager. Alors il y a à peu près un an, Michel, tu te ramènes avec un bouquin de Simonin, Grisby or not Grisby. Ouais. Tu me dis, c'est du beau, c'est du bon, j'ai envie de l'adapter. Mmh. Alors moi je dis, ok, je suis pas con, hein. Les deux dernières adaptations d'Albert Simonin avec Gabin, Touchez pas au Grisby et Le Cave se rebiffe, ont cartonné au box-office. Donc, je te demande, c'est quoi l'histoire? Eh ben, c'est l'histoire d'un truand qui appelle ses copains à la rescousse avant de clamser pour leur demander de prendre soin d'une amie, une vieille pute. Et puis, bon, va y avoir une guerre de succession, ça défouraille dans tous les coins et ça se termine mal pour tout le monde. Voilà. Alors, en gros, c'est ça. Ouais. Et puis, quelques temps après, je te revois. Et là, tu me dis, en fait, j'ai gardé 3 pages sur tout le roman, mais 3 pages vraiment bien. La vieille pute devient une adolescente insupportable. J'ajoute le personnage d'Antoine, fils de bonne famille un peu décalé, musicien. Et puis, Maître Folas, moitié notaire, moitié voyou. Max, le menteur, le personnage principal du roman, on le jette aux oubliettes. On privilégie Fernand Naudin, on en fait un marchand de tracteurs à Clermont-Ferrand. À Montauban. Si tu veux. Bah non, c'est pas si je veux, c'est important. C'est comme si tu disais, un Gaillac et un Bergerac, c'est pareil. Ah oui. Bah, en bouche, c'est pas pareil. Montauban, Clermont-Ferrand. Quand t'as ces deux villes dans la bouche, tu sens bien que c'est différent. C'est pas le même tintement de cloche. Et je suis pas en train de te dire que je préfère Montauban à Clermont-Ferrand, hein. C'est pas ça. On s'en fout. C'est le mot qui compte, qui fait la différence. Sa rondeur, sa saveur, sa robe. On devrait jamais quitter Clermont-Ferrand. Ah, tu entends, Alain, ça colle pas. La phrase est pas équilibrée. Et tu sais pourquoi? Il y a une syllabe de trop. On devrait jamais quitter Montauban. Ah, bah voilà, là c'est bon, c'est du velours. Ça, tu mets ça dans la bouche de Lino, ça roule tout seul. Merci, Georges, pour la démonstration. Oh, bah, je t'en prie. Tu veux une chouquette? Non, j'aime pas ça. Alors merci, messieurs, pour ce moment de littérature. Oh, bah, littérature, c'est un bien grand mot. Bon, ce que je voulais dire, avant que tu me coupes, c'est que tu m'as vendu une histoire, et que dès que j'ai eu le dos tourné, t'as tout changé du sol au plafond. Et sans en parler à Albert. Sans déconner. Ah, t'étais pas au courant? Bah non. Bah, ton ami Michel a pulvérisé l'histoire d'Albert. Il a décapité ses personnages sans lui en parler. Et Albert, le pauvre vieux, de son côté, il a travaillé pendant des semaines sur son histoire de vieille pute. Parce que l'air de rien, c'était Simonin qui était chargé de l'adaptation de ce roman, pas Monsieur Audiard. C'est vrai? T'as fait ça? Ouais, bah j'ai oublié de lui en parler, quoi. J'étais sur plusieurs projets, et puis c'était le Tour de France. Et puis après le tournoi des 5 nations. Le tour, c'est en juillet, et le tournoi, ça commence en février. Ouais, bah c'est ce que je veux dire, le temps passe vite, quoi. Ouais, puis te bile pas, avec Albert, on est allé boire un coup, ça s'est arrangé. Ouais. Autant il est chiant au moment de l'édition, un peu comme Simenon d'ailleurs. Ah putain, l'éditeur, il a pas intérêt à oublier une virgule, hein, autrement c'est des dizaines de milliers d'exemplaires qui partent au pilon. Hein. Eh ben, autant pour le cinéma, il s'en fout un peu. Hein. Pour lui, on boxe pas dans la même catégorie. Il a pas forcément tort. Alors moi, Qu'est-ce que je me dis? Ah, mais qu'est-ce que tu te dis? Bah, oui, bah, qu'est-ce que tu te dis? Oui, bah, je me dis, bon, bah, avec Simona, Audiard et Gabin, ça commence à sentir bon. Et en plus, à la Gaumont, on vient d'embaucher Lautner. Très bien, hein. Ce jeune réalisateur, très très très bien. Très, merci, très bien. Non, merci. Bon, le monocle, Paul Meurice, remarquable, non? Rien à dire. Venant de toi, ça me fait plaisir, tu sais, ça me touche même. Hein. Bon, et alors, tu sais quoi? Non. C'est à moi que tu parles? Oui, c'est à toi. D'accord, oui. Maintenant, je sais pas. Georges, là, le type assis à côté de toi. Tu sais ce qu'il a fait? Ah ben, là, je sais toujours pas. Il a trouvé le moyen de se fâcher avec Gabin. Ah oui, ça, je le sais. Il faut quand même le faire. Attends, attends, attends. Gabin, tout Gabin qu'il est, et c'est pas lui qui fait la loi. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu. Quand j'entends ça, j'ai envie de me tirer une balle dans le pied. Gabin, il fait ce qu'il veut. C'est le dab, le patron, le taulier. Un film avec le vieux, et t'es sûr de rembourser la mise, et le reste, c'est que du bénéf. J'adore quand tu parles de cinéma. T'as un petit côté quartier latin, cinémathèque française. Jean, il est bien gentil, mais il voulait m'imposer son équipe technique. Il tourne toujours avec les mêmes techniciens. Ça le rassure. C'est bien connu, c'est un grand timide. Ah, alors là, tu te gourres. C'est un mec très pudique, à fleur de peau. Bon, en tout cas, moi aussi, j'ai mon équipe. Des types avec qui je travaille depuis des années. Je vois pas pourquoi je mettrais mes gars au chômage pour faire plaisir aux vieux. Et à son équipe de grabataires. Ah, c'est un argument qui se tient. Voilà, c'est pourquoi nous n'avons pas insisté, la mort dans l'âme. Oh, de toute façon, Gabin n'aurait pas fait ce film. Et pourquoi, tu peux me le dire? On est fâché. Tu m'avais pas dit? Oh, ça date de l'an dernier, quand je travaillais sur Mélodie en sous-sol. Bah, il est persuadé que j'ai avantagé Delon au niveau du scénario et du dialogue. Mais c'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. C'est pas ma faute si Delon accroche mieux la pellicule que Gabin. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, j'ai rien entendu. Moi, si on me demande, j'étais pas là. Oh, ça va les gars, si on peut plus dire une vacherie sur le vieux. Non, on peut plus, et d'ailleurs avec Gabin, on n'a jamais pu. Alors tes méchancetés gratuites sur Jean, tu les gardes pour toi, enfermées à double tour dans ta salle de bain. Alors, comme je vois que ça n'avance pas... Et quand je dis ça n'avance pas, c'est un euphémisme, hein. Y a rien à se mettre sous la dent, pas de scénario, pas de dialogue. Je me dis, restons calmes. Et tu as raison. Ouais. Il faut savoir garder son calme en toutes occasions. Bon, bah, alors, j'arrive à persuader la Gaumont de vous réserver une suite avec 3 chambres dans un palace à Versailles. Ah, le Trianon, c'était très bien. Audiard, Simona et Lautner, réunis dans un même lieu, en dehors de Paris, je vous prie de croire que ça va carburer. Ça va phosphorer dans les grandes largeurs. Nos poules aux œufs d'or vont nous pondre une histoire aux petits oignons avec de la gouaille, de l'humour, de l'action, des rebondissements, des personnages extraordinaires et extravagants, de la parodie, la quintessence de l'esprit français. Dans des décennies, les gens reverront ce film avec plaisir une fois, deux fois, 10 fois, comme on déguste un bon armagnac, comme on aime à relire un livre qui nous a marqué, comme on aime à retrouver une femme qu'on a beaucoup aimée. Là, ta dernière image peut prêter à discussion. Et sérieusement, Alain, t'as dit tout ça au conseil d'administration de la Gaumont? Je suis même allé jusqu'à dire que dans 50 ans, ce film serait considéré par tous les Français comme un membre de la famille. Un film culte. M'entendez? Un film culte. Il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Ah. Qu'est-ce qu'il faut pas dire pour faire cracher la monnaie? Bon, donc, moi, dès le premier soir, je vais au Trianon pour voir mes amis auteurs et réalisateurs. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'Audiard et Simonin sont déjà partis. Oui, c'est un malheureux concours de circonstances. L'après-midi, on travaillait tous les trois. Ah ouais? Si, je te jure, c'est vrai. Hein, Georges, c'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Bon, et puis, je ne sais pas comment, la discussion a tourné autour d'un pot-au-feu, a tombé par terre, du côté de Place d'Italie. Des hommes de votre condition. C'est consternant. Je tiens à dire que je suis resté à Versailles. Oui, bah moi je tiens à rétablir une vérité historique en signalant que t'avais mangé un pot-au-feu la veille. Ah oui, c'est vrai aussi ça, oui. Oh. Mais vous savez que Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche et Jean Lefebvre ont signé leur contrat sans quasiment rien connaître du scénario. Ah oui, bah ils nous font confiance. Franchement, je ne vois pas pourquoi. Bah, quand tu sais que t'as un bon plombier... T'as un problème de fuite à la con, t'appelles le plombier, le gars il se ramène chez toi, t'as confiance en lui. Et pourtant il a rien fait. Nous c'est pareil. Oui. Et puis, au final, on a fini par l'écrire, ce film. Mais parlons-en, hein ? Après l'épisode versaillais, tous les deux, vous m'avez dit, on va aller travailler dans le sud, loin de l'agitation parisienne. Et moi, comme un innocent, les mains pleines, je vous ai cru. Alain, je veux pas t'enfoncer, mais tu aurais dû t'en douter. Rien que l'expression « travailler dans le sud », il y a quelque chose qui cloche. Ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille. Il y a plein de gens qui travaillent dans le sud, à commencer par les gens qui habitent dans le sud. Et ce sont des personnes admirables. Tu penses que j'ai déjà du mal à travailler dans le nord ? Alors comme je n'avais pas de nouvelles, j'ai fait ni une ni deux. J'ai pris le train direction le sud. Mais pourquoi tu te déplaces ? Tu peux pas passer un coup de téléphone comme tout le monde. Le courrier marche très bien aussi. On ne vantera jamais assez les vertus du service public. Parce que, écoutez-moi, parce que je voulais voir de mes yeux, voir l'étendue des dégâts. Alors tu es venu. Tu as vu et tu n'as pas été convaincu. Bah, toi, Michel, à Saint-Paul-de-Vence, tu passes ton temps à faire des bouffes avec tes copains. C'est comme ça que je trouve mon aspiration. En enchaînant les bons repas ? Bah, qu'est-ce que tu veux ? Il y en a qui enchaînent les gonzesses, moi j'enchaîne les blanquettes de veau. Oh, et toi, Georges, c'est encore mieux. Je me pointe chez toi, à Grasse. Je tombe sur ton jardinier. Ah, t'as un jardinier ? J'ai un jardin. Et sais-tu ce qu'il me dit ? J'en ai une vague idée. Oui, monsieur ne peut pas vous recevoir, car c'est l'heure de la sieste. Non mais là, avec la meilleure volonté du monde, hein, franchement, je comprends pas. Tu peux pas nous reprocher de manger et de dormir. Ce sont des fonctions vitales. Hein. Sérieusement, vous pensez que vous pouvez traverser l'existence comme si la vie c'était une cour de récréation, hein, hein? Avec vos blagues de potage, votre bande de copains, et le rugby, le vélo, les bonnes bouffes, les femmes. Oh là, hey, t'as pas intérêt de parler de gonzesses devant Lino, hein, surtout à table. Ça fait partie des sujets à éviter. Hein. Ouais. En revanche, si tu lances la discussion sur la cuisson des pâtes... Ouais, et encore, avec Lino, la cuisson des pâtes, ça peut très vite tourner vinaigre. Vous êtes durs, les mecs. Oh, dur de chez dur. Je porte ce film à bout de bras. Personne n'y croit à la Gaumont. Personne. Hier, Robert Susfeldt. Hein? Oui. Comment ça ? C'est le responsable de la gestion financière. Son nom est drôle. Il m'a supplié d'arrêter les frais. Il s'est presque mis à genoux. Et toi, Georges ? Oui. Hein ? Toi qui ris, je vais t'apprendre quelque chose. Ton coup avec Gabin. La direction a tellement apprécié que si le film a un dépassement au jour de tournage, la rémunération de ses techniciens sera prélevée sur ton salaire. Ah, bah c'est très sympathique. Ouais. Et toi, tout Michel Audiard que tu es, arrête de tirer sur la corde. Mais je ne tire pas sur la corde. Et encore moins sur l'ambulance ou le pianiste. Le film est écrit, on est dans les temps. Alors c'est quoi, Slayus ? Non, le film n'est pas écrit. La scène de la cuisine pose problème. Mais c'est rien. Mais comment ça, c'est rien ? C'est la scène principale. Centrale, pas principale. C'est pareil. Bon, et puis cette scène, elle est écrite, elle existe. C'est pas comme si on était à la bourre. Le problème, c'est de savoir si elle sert à quelque chose. Si elle est utile au déroulement de l'action. Moi, je pense qu'elle ralentit le rythme du film. Que c'est un enfilage de mots d'auteur. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Bon, alors là, mais non. Écoutez, mais là, si. Je vois mais que non. Le débat mais est lancé. Si. Alors, non. Je vous laisse. Mais, hein. Si. Mais, non. Mais si. Vous ne partirez pas d'ici mais avant si. D'avoir mais réglé non. Le problème. Hein. Et si ce soir vous êtes encore là, je viens avec des sacs de couchage, un réchaud et une boîte de cassoulet. Hein? Est-ce que c'est bien compris ? Mm-hmm. C'est curieux quand même chez les producteurs ce besoin de faire des phrases. Bon, on se le lit, tu fais Wolfonie, Paul Wolfonie. Ah bah je vais faire les deux Wolfonie, Paul et Raoul. D'accord. Tu fais Fernand ? Je fais Fernand. Allez. Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente, hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Je dis pas non. Là, c'est Raoul, maintenant. On n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Lino sera bien dans le rôle de Fernand. Mais comme quoi, c'est plutôt une bonne chose que le vieux ait refusé. Mais avant Lino, t'avais contacté Paul Meurice. Ah, j'aime bien Paul. Sur le monocle, ça a été un vrai plaisir de travailler avec lui. Mais bon, il a des soucis de santé. Ah. Et puis, c'est devenu évident. Fernand Naudin, c'est Lino Ventura. Et non, je l'ai vu il y a 2-3 jours, je peux te dire qu'il n'est pas franchement à l'aise dans ses mocassins, hein, le bel Italien. Ah. Pour tout dire, il est à deux doigts du nervous breakdown. Pourquoi ? Bah, il a jamais joué dans une comédie. Il est pétrifié à l'idée d'être ridicule. Ah, tu fais bien d'en parler, je vais l'appeler. Lino, c'est pas un comique, ni un acteur de comédie. Mais Lino, c'est Lino. Il faut qu'il joue premier degré, le plus sérieusement du monde. Et c'est ça qui va être carrément drôle. Dans Les Tontons Flingueurs, le personnage de Fernand Naudin, c'est un clown blanc entouré d'une multitude d'Augustes. Ouais, enfin, et encore, il faut pas que les autres soient dans la caricature. Si tu lâches la bride à Bernard ou à Francis, ça va partir dans tous les sens. L'histoire doit se situer dans une autre dimension, un univers légèrement décalé. Ouais, ouais, on est d'accord. Et c'est là qu'on entre en action. Parce que, si tu y réfléchis bien, ce film est une réunion de types à côté de la plaque, quoi, des décalés de la vie. Alain a raison de dire qu'on a une bande de copains et qu'on prend pas la vie au sérieux. Mais faut dire aussi que pendant la guerre, on n'a pas rigolé tous les jours. Ça, c'est sûr. Alors du coup, on n'a plus envie de s'emmerder avec les détails. On y retourne. Paul Wolfoni. Pourquoi pas ? Au contraire, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Surtout lorsqu'elles constituent le premier pas vers des négociations fructueuses. Hein ? Merci. Maître Folas, vous avez oublié de planquer les motifs de fâcherie. Oh, monsieur Fernand. Tu connais la vie, monsieur Paul. Mais pour en revenir au travail manuel, ce que vous disiez est finement observé. Et puis ça reste une base. Raoul Wolfoni, ça c'est bien vrai. Si on rigolait plus souvent, on aurait moins souvent la tête aux bêtises. Oui, ça c'est vrai. Bon, alors là, il y a une invitée qui fait irruption dans la cuisine. Tu fais la fille. Ah, oh, bah d'accord. Alors toi, tu fais Maître Folas. Adjugé vendu. La fille. Bonjour. Bonjour. Mais il est où, Jean? Qu'est-ce que vous lui voulez? Il n'y a plus de glace et il n'y a plus de scotch. Maître Folas, donnez-lui des jus de fruits. Non, pas de jus de fruits, du scotch. Vos jus de fruits, vous pouvez vous les... Oh, allons, mademoiselle. L'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch, un point, c'est tout. Mais vous n'avez qu'à en acheter. Avec ça. Touche pas au Grisby, salope. C'est bon, ça? Ah ouais, c'est bien. On s'y attend pas. Dans cette réplique, il y a une vraie pulsion de mort. Ah ouais. En fait, ces gaillards sont pas si sympas que ça. Hein. En vérité, ce sont des enfoirés. L'humeur et le ton du film créent une empathie autour de ces personnages, mais le temps d'une réplique, je voulais montrer la réalité. Ce sont des salopards, des tueurs, des proxénètes, des trafiquants. Et j'espère que Francis va me faire plaisir sur cette réplique. Faut qu'on voit dans ses yeux que s'il avait un couteau de cuisine à portée de la main, il planterait la gamine sans sourciller. Et les autres autour de la table, il n'y en a pas un qui bronche. Je dois t'avouer que j'avais pas vu tout ça dans cette réplique. Tu veux du café? Bon, s'il en reste. Oui, oui. Ah bah par contre, il n'y a plus de chouquette. Ouais, m'en fous, j'aime pas ça. Bon allez, on continue? Non, non, on continue pas. Après, c'est la scène de la picole. Cette scène n'a aucun intérêt. Attends, la scène de la picole, c'est un peu réducteur, là. Tu crois pas? Bah, des types autour d'une table en train de boire des coups. T'appelles ça comment? J'ai besoin de cette scène. Mais non. Et si? Elle ralentit le rythme du film. Et le rythme, c'est le moteur de la comédie. C'est comme ça qu'on crée ce décalage, cette dimension parallèle. Quand tu t'aventures dans la parodie, tu dois avoir le bon tempo dans tous les plans, sinon tout tombe à plat. Dans Les Tontons, dès le début, on a un rythme très soutenu. Et là, d'un coup, les types s'assoient et tartinent des sandwichs. Et ça, c'est drôle. Bon, c'est vrai, c'est marrant. Je dis pas que c'est une mauvaise scène, j'ai bien rigolé en l'écrivant. Mais c'est con, c'est comme ça, je la sens pas. Elle est trop longue, elle manque de rythme. Pour tout dire, elle me paraît un peu facile. Bon, tu me laisses parler? La parole est à la défense. J'ai besoin de cette scène pour deux raisons. La première, elle est d'ordre pratique. La deuxième, elle est... comment dire? Enfin bon, j'ai une bonne raison pour la deuxième. Ben plus je te connais, plus j'apprécie la clarté de tes explications. Ah, il me faut cette scène, parce qu'elle montre pourquoi les Wolfoni et Monsieur Fernand deviennent copains. La nostalgie des vieux truands, les mêmes repères, les mêmes bordels, les mêmes cuites, enfin bon, bref, ce sont les mêmes. Ils sont pareils. À la fin du film, les Wolfoni sont quand même invités au mariage de la petite. Ils font partie de la famille. À un moment donné, il faut bien une scène qui explique ce revirement, parce qu'au début du film, c'est pas la même ambiance, hein. Tu fumes trop, Michel. Je sais. Alors regarde le bout de tes doigts, ils sont tout jaunes. Bon, si tu me parlais de ta deuxième bonne raison. Quel argot, de John Huston. Tu vois, la scène où on voit des gangsters dans un bar accoudés au comptoir. Ils parlent du bon vieux temps de la prohibition, du temps qui passe, de leur jeunesse qui est bien loin, maintenant. Ouais, je vois de quoi tu parles. Il se dégage une telle humanité de cette scène. Elle est incroyable. Un film de gangsters, et le passage qu'on retient, c'est la scène où les mecs parlent entre eux. Eh ben, ta scène de la cuisine, c'est pareil. Oh, merci pour la comparaison, mais comparaison n'est pas raison. Mais si, dans ta scène, il y a tout ce qu'il faut. De l'amitié, de la tendresse, de l'humour, de la nostalgie, le temps qui passe, le côté rituel de la scène de la picole, comme tu dis. Le besoin d'appartenance à un groupe, un univers d'hommes avec une fille qui passe, le Grisby. Et puis, tous ces mecs de 40, 50 piges qui beurrent des sandwiches pour la jeune génération. Comme le feraient des papas gâteaux. Mmh. Ou des tontons flingueurs. Exact. Bon, on continue. Allez. Raoul Volfoni. L'alcool à cet âge-là. C'est un scandale, hein. Nous, par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en faire un petit. Ça, le fait est. Maître Folas. Salut, garçon. Michel Magne, mon compositeur adoré. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah ben, j'ai signé mon contrat. Ah, c'est une bonne raison. Éminemment respectable. Ah, ça tombe bien que tu sois là, Georges. Je voulais t'appeler. Ne t'inquiète pas pour la musique, hein. Ne t'inquiète plus. Ah. J'ai trouvé le thème. Bravo. Enfin, c'est pas vraiment un thème, c'est plutôt un concept. Ah. Voilà, j'ai conçu la partition à partir des quatre notes du bourdon de Notre-Dame. Notre-Dame? Notre-Dame de Paris. À partir de ces quatre notes qui forment un seul et unique thème, je conceptualise et je décline ces quatre notes à l'infini. Musique baroque, twist, slow, jazz, musique de mariage. Quoi, ça vous plaît pas? T'en as parlé avec Alain? Je voulais en causer avec lui pendant la signature. Après la signature. Et même si tu pouvais ne pas lui en parler du tout, ça serait pas plus mal. Ah oui, ça, Georges a raison. Aujourd'hui, c'est pas le jour. Ah mais je vous assure, les gars, c'est une bonne idée. Hein. Mais on te croit. Mais Alain, il est pas comme nous. Il est producteur. Un gentil producteur. C'est pour ça, il faut le ménager. C'est un petit être fragile. Oh. Alors, les gars, hein, on en est où? Ah tiens, Michel, ça va? Tu es là? Non, il est pas là. Il allait partir. Mais qu'est-ce que vous racontez comme connerie, là? Tu as déjà signé ton contrat? Ah ben non, je viens d'arriver. Ah, je te jure, Michel, ces deux-là... Ils m'en font voir des vertes et des pas mûres. Mais c'est pas comme toi, sérieux, rigoureux, qui respecte les délais. Un vrai professionnel. Allez, pour me faire plaisir, et puis j'en suis certain, ça va détendre l'atmosphère. Si pour une fois, on oubliait le scénario, les dialogues, la réalisation, et si on ne parlait que de la musique. Audiard Lautner, dans la cuisine des tontons flingueurs, de Philippe Touzet. Avec Bruno Pavio, Georges Lautner, Grégoire Ostermann, Alain Poiré, Charlie Nelson, Michel Audiard, Benjamin Egner, Michel Magne. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Arnaud Chapat. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave, hein? Si, il y en a aussi. C'est bizarre. Bye. connaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Tu sais pas ce qui me rappelle ? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Biennois, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges. Et la tourlière. Une blonde comac. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu ? Lulu la Nantaise. T'as connu ? J'y trouve un goût de pomme. Il y en a. Ben, c'est devant chez elle que Lucien de Cheval s'est fait dessouder. Et par qui ? Hein ? Ben, là que j'ai plus ma tête. Par Teddy de Montréal. Un fondu qui travaillait qu'à la dynamite. Toute une époque. Je dis pas qu'à la fin de sa vie, Joe le Trembleur, il n'avait pas un peu baissé. Mais n'empêche que pendant les années terribles, sous l'occupe, il butait à tout va. Il a quand même décimé toute une division de Panzer. Ah. Il était dans les chars ? Non, dans la limonade. France Inter, Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Audiard-Lautner, dans la cuisine des tontons flingueurs. Notre invité, Philippe Touzé, le scénariste de la fiction, passionné du cinéma d'Audiard et de Lautner. Bonjour Philippe Touzé. Bonjour. Alors vous êtes auteur de théâtre, vous avez été l'auteur de plusieurs fictions diffusées dans le cadre des fictions de Affaires Sensibles sur France Inter. Vous êtes également président des écrivains associés du théâtre, membre de la commission théâtre du Centre National du Livre, et vous enseignez le théâtre à Sciences Po Paris. Vous avez écrit plusieurs fictions radiophoniques pour Radio France, je l'ai dit, mais je vais maintenant donner quelques titres. Star Wars, La naissance d'un mythe, 88, Les accords de Matignon, ou encore Pierre Manès France et Le visiteur du soir. Voilà, qui rappellera quelques souvenirs à nos auditeurs. Philippe Touzé, alors pourquoi cette passion pour les tontons flingueurs et d'où vient-elle, cette passion ? Je pense qu'elle vient comme beaucoup de Français, c'est-à-dire que c'est un film qu'on découvre quand on est enfant, très souvent, hein, que les adultes conseillent facilement, hein, les tontons flingueurs. Et puis après, c'est vrai que, bon, ben, en tant qu'enfant des années 60, je serais tenté de dire que je suis né avec le cinéma d'Audiard, je suis né avec Gabin, Ventura, Paul Meurice, tous ces grands comédiens que j'ai découverts dans les années 60, 70, à la télé la plupart du temps, ou au cinéma, quand mes parents me permettaient d'aller au cinéma. Voilà, donc ça fait partie de... Souvent je dis que les Tontons Flingueurs, c'est un peu un album de famille. C'est pour ça qu'il a un tel succès aussi étonnant. Plus de 50 ans après, on parle encore de ce film. C'est un film culte, c'est un film qui fait partie de la famille. On se raconte les répliques dans les collèges, dans les lycées, à la sortie d'un bon repas. C'est un film qui fait partie du paysage du cinéma français, indubitablement, et donc toutes les composantes de ce film font partie de notre identité. C'est-à-dire que c'est une bande de copains, ce sont des hommes établis. Il y a bien sûr toute une séance de bourre-pif, comme disait Michel Audiard. C'est vrai que ça soulage aussi de temps en temps. Qui n'a pas eu envie de temps en temps de mettre un coup de pied aux fesses à quelqu'un? Bien sûr, on se retient parce qu'il faut quand même savoir vivre en société. Mais et puis tous ces mots. C'est vrai que le film repose à quasiment 100% sur les dialogues de Michel Audiard. Et à propos des mots, justement, est-ce que ça, c'est une source d'inspiration pour un scénariste comme vous, un auteur comme vous? Oui, c'est une source d'inspiration. Mais comme pourrait l'être aussi là aussi dans les années 60, il y a eu une vraie révolution au niveau des dialogues. Un petit peu avant, Frédéric Dard, à la fin des années 40 et des années 50, est arrivé avec un nouveau vocabulaire. Les années 50, c'est aussi l'arrivée des polars d'Albert Simonin, d'Auguste Le Breton, la bande dessinée, c'est René Goscinny. Il y a eu, et puis après dans le théâtre, qui est un peu ma partie, il y a eu Ionesco, Beckett, Baldia, tous ces auteurs, chacun dans leur domaine respectif, ont amené une autre dimension littéraire à leurs arts respectifs. Alors, est-ce que, si c'est pas forcément un modèle, est-ce que les dialogues des tontons flingueurs, ça reste une référence? Ça reste une référence par leur efficacité redoutable. C'est Audiard savait dépeindre une situation en une réplique, dépeindre un personnage en quelques mots. Il a acquis ça, je serais tenté de dire, dès la naissance. Michel Audiard, c'est un vrai titi parisien, né en 1920, dans le 14e. Alors, il le disait, et c'est très très juste d'ailleurs, très souvent on assimile Michel Audiard à l'argot. Michel Audiard parle du Michel Audiard, il fait du Michel Audiard, mais c'est absolument pas de l'argot. Bien sûr, ces dialogues sont parsemés parfois de remarques, de mots qui viennent directement de l'argot, mais il ne fait pas toutes les citations que vous venez de citer tout à l'heure. Il n'y a pas un mot d'argot. Hein, donc c'est un mot, c'est un vocabulaire plutôt de rue. C'est du vocabulaire de trottoir qu'il a entendu de toute son enfance dans le 14e arrondissement. C'est le parler des du peuple. Ça va du boulanger au maquereau. Voilà, c'est le phrasé qu'il a entendu toute son enfance. Et ensuite, ce qu'il a, lui, en tant que dialoguiste, qu'il avait très fort, et ça, c'est, je serais tenté de dire, c'est presque naturel, c'est qu'il avait une oreille excellente. C'est-à-dire qu'il pouvait très vite saisir le phrasé de la personne qui était en face de lui. C'est-à-dire que quand on écoute du Gabin ou Ventura ou Paul Meurice ou Belmondo dire du Michel Audiard, on voit bien que le dialoguiste s'est adapté au phrasé du comédien. Les dialogues, les personnages sont toujours là, dans le présent, et pourtant le film, je le rappelle quand même, est daté du mouvement yéyé des années 60, et on le disait tout à l'heure, ça reste une référence, on le regarde encore aujourd'hui. Comment expliquer ce miracle? Qu'est-ce qui fait la longévité du succès? Pendant La Grande Vadrouille, par exemple, qui était le premier grand blockbuster du cinéma français, il a gardé son charme, c'est vrai, mais on se souvient encore plus des tontons flingueurs, des dialogues des tontons flingueurs. Parce que les tontons flingueurs, bon déjà, il y a, les comédiens. Les comédiens font partie de vraiment, là aussi, de la mémoire collective. Quand vous avez dans un même film Lino Ventura, Francis Blanche, Bernard Blier, Jean Lefebvre, Robert Dalban, enfin, c'est quand même des grandes pointures, qui à l'époque n'étaient pas des grandes pointures. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que c'est un film qui a été fait avec des seconds rôles. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de problèmes internes au niveau de la production à cette époque-là, parce que c'était compliqué de faire un film avec des personnes, dont Ventura, qui n'étaient pas encore reconnus comme des valeurs sûres au niveau de la production. Ensuite, c'est un film qui décrit parfaitement les Trente Glorieuses. C'est un film où il faut bon vivre, où la France est en... il faut consommer, où la France est en pleine reconstruction, c'est une époque quasiment de plein emploi, où on peut rire de tout, à commencer de l'argent, à commencer des mauvais garçons, tout est sujet à rigolade, comme c'était un mot de d'Audiard, voilà. Et donc du coup, c'est vrai que ça amène maintenant, surtout dans nos sociétés qui sont quand même beaucoup plus tendues, beaucoup plus stressées, ça amène un appel d'air. C'est vrai que quand on regarde ce genre de film, déjà et d'un, on se dit c'est à 50 ans, mais c'est vraiment une autre époque. C'est vraiment, ouais, on est ailleurs, mais complètement ailleurs. C'est un film où tous les hommes fument, où ça boit, où on se met des bourre-pifs, je le disais tout à l'heure, quand on n'est pas d'accord. Enfin, il faut quand même voir ce genre de film. Maintenant, il y a des répliques aussi, certaines répliques, ou certains moments du film où je crois qu'on ne pourrait plus le faire maintenant. Ça nous renvoie, comme beaucoup de choses, à notre époque coincée, effectivement. Quasi-victorienne. Quasi-victorienne. On peut donner une liste rapide des films de Lautner, donc les Tontons Flingueurs, bien sûr, mais aussi les Barbouzes, qui est un peu le cousin des Tontons Flingueurs. C'est pas mal, c'est bien aussi. Il a été fait un an après. Voilà, c'est ça. La Grande Sauterelle, avec Mireille d'Arc, Quelques Messieurs Trop Tranquilles, Les Saints de Glace, toujours avec Mireille d'Arc, Flic et Voyou, Le Professionnel, c'est avec Belmondo, celui-là, oui. Quelques titres de film réalisé entre 1963 et 1993, et puis on va citer aussi les comédiens qui ont joué devant la caméra de Lautner, Ventura, bien sûr, Mireille d'Arc, Belmondo, Jean-Yann, Delon, Gabin, Serrault, et puis les plumes, Audiard, mais encore Jean-Loup Dabadie et Pascal Jardin. Je me dis que Lautner, il tient une sacrée place dans le cinéma français. Ah bah, Lautner, il est arrivé assez tôt. Il avait une phrase assez intéressante parce qu'il est arrivé quasiment. Il est de la génération des réalisateurs de la nouvelle vague et il disait pendant que les réalisateurs de la nouvelle vague voulaient faire de la nouvelle vague, il s'est trouvé qu'il fallait bien qu'il y ait des réalisateurs qui fassent des films commerciaux. Donc il a dit tout simplement, je me suis dévoué à faire des films commerciaux et ça lui a porté bénéfice. Il a commencé très rapidement avec des films à tout petit budget, parce que ça aussi il faut le dire, Tonton Flingueur, ça a été vraiment tourné avec un budget de misère, par le monocle. Voilà, on parlait tout à l'heure de Paul Meurice, qui a été vraiment aussi une figure incontournable du cinéma dans les années 50 et 60. Il a commencé par le monocle, la trilogie des monocles, et le monocle riz jaune, voilà, et ça, exactement, le monocle noir, le monocle riz jaune, et après il a enchaîné la Gaumont l'a repéré, évidemment, ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, son premier film avec Gaumont, ça a été Les Tontons Flingueurs. Donc sur un budget là aussi très très limité, parce qu'à l'origine sur Les Tontons Flingueurs, c'était Gabin qui devait jouer le rôle de Fernand Naudin, mais il y a eu des problèmes au niveau de la production parce que Lautner, justement, depuis tout jeune, tournait constamment avec la même équipe technique. Gabin, lui aussi, tournait avec la même équipe technique depuis des décennies quasiment, et donc il y a eu un problème, on va dire, à ce niveau-là. Donc Gabin s'est retiré du sujet. De toute manière, il était fâché avec Audiard. Enfin voilà, c'était une grande famille, c'était des amis, mais on peut dire qu'ils s'engueulaient constamment. Il y avait une mauvaise foi caractérisée. Ça ne les gênait pas après de se retrouver dans un bon restaurant, mais des fois c'était compliqué quand même de travailler avec eux. Philippe Touzé, on va se retrouver dans quelques minutes pour continuer à parler de ces tontons flingueurs qui nous apportent de l'air. C'est vous qui avez dit ça nous apporte de l'air. Ben ça, c'est ça, c'est une bonne formule. On va parler de la critique autour des tontons flingueurs. Parce qu'évidemment, quand on parle de ce film aujourd'hui, ça fonctionne. La nostalgie fonctionne, l'envie de rire fonctionne, ça nous renvoie à notre époque coincée. Et on se dit qu'effectivement, qu'il y a une autre époque où on pouvait tout dire, où on pouvait tout faire, ou presque. Mais alors, la critique, ça a été quand même compliqué. Le Point titré au moment où le film est sorti, Lautner, c'est du brutal. À la Audiard, d'ailleurs. Qu'en pensez-vous? C'était vraiment du brutal? Pourquoi ce brutal, comme ça? Non, mais Audiard, pendant toute sa carrière, son parcours de scénariste, près de 40 ans, près de 120 films, a été constamment en but aux critiques. Mmh. Voilà. Il a été la cible privilégiée des critiques. Il faut dire aussi que Michel Audiard était un vrai polémiste, c'est-à-dire qu'il il répondait, et des fois d'une manière très très verte. Là aussi, on parlait du cinéma des années 60. Il faut quand même voir les échanges à travers la presse entre les critiques et Michel Audiard. C'était quand même incroyable. On ne peut plus lire ça dans notre presse actuellement. C'était des discussions de bistrot du commerce à travers le Figaro, Le Monde, Libération. Il ne se loupait pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y avait des critiques dont un des plus célèbres est Henri Chapier, mais c'était vraiment terrible. Il comme vous l'avez dit tout à l'heure, marcher dans du Michel Audiard, ouais. ça porte pas chance, et ça c'était quasiment le plus doux. C'était cinéma réactionnaire, c'était des parfois on dit certaines répliques racistes, à la limite de propos antisémites. On lui a tout fait, on ne lui a jamais rien pardonné. Parfois, quand même, vu le succès énorme, c'est ça qu'il faut voir, c'est que d'un côté, il y avait la presse et les critiques, qui quasiment à 90%, parfois, une critique du Canard Enchaîné ou de l'Humanité, voilà, saluer quand même son travail et sa facilité à écrire peuple et à intéresser les Français et les Françaises. C'est-à-dire qu'il avait une critique catastrophique et ses films marchaient, mais voilà, c'était des blockbusters. Mmh. C'est, faut voir quand même le nombre de sorties qu'il avait. C'était à chaque année, pendant presque 20 ans, ses films étaient dans les 5 premiers. C'est tout le temps. Le public, on le voit plus maintenant. Mais il faut voir que les affiches, il y avait le nom du dialoguiste. Michel Audiard, aussi gros que Belmondo ou Gabin. Ouais. Les gens allaient voir un film de Michel Audiard. Et quelque part, ils se moquaient complètement, mais complètement des critiques. Il y avait ça, de ce côté, les critiques, donc, de presse. Et de l'autre côté, là aussi, ça a été quand même une grande bataille avec les cinéastes de la nouvelle vague. Les intellos qui renvoyaient ce film-là, les Tontons Flingueurs, au cinéma de papa. En fait, c'était ça. Exactement. Mais voilà, ça, c'est une expression de François Truffaut. Oui. Le cinéma de papa. Donc, déjà, ça veut tout dire. C'était tout était facile, voilà, les comédiens jouaient facilement, l'écriture était facile, la réalisation est paresseuse, tout y passait. Donc Audiard, répliquer, c'est cette fameuse réplique, la nouvelle vague, elle est plus vague que nouvelle, hein, ça mmh. fait quand même le tour de Paris, cette expression. Donc après, comment dire, c'était compréhensible. D'abord, c'était un choc de génération. Audiard, à l'époque, avait une quarantaine d'années, 45 ans. Truffaut, les jeunes loups des cahiers du cinéma, avaient 25 ans. Donc, il y avait déjà un vrai choc des générations. Et après, d'une manière plus approfondie, là, on est à l'opposition. D'un côté, les cahiers du cinéma, la bande à Truffaut, c'est le cinéma total. Maintenant, on appelle ça le cinéma d'auteur, c'est-à-dire que le réalisateur est également le scénariste et le dialoguiste du film. Absolument. C'est-à-dire que là, voilà, c'est un film, on va voir un film d'une telle personne, de telle personne. Du temps d'Audiard, on est encore, d'ailleurs, comme au théâtre, encore actuellement, on est dans une logique d'art collectif. C'est-à-dire qu'il y a le réalisateur, il y a le dialoguiste, il y a le scénariste, et tout le monde travaille main dans la main, comme je le disais tout à l'heure, pas toujours dans une bonne ambiance, mais tout le monde travaillait, et donc il y avait vraiment un choc culturel, et je dirais même opérationnel. C'était une manière de travailler qui n'était pas la leur à toute cette équipe. Alors, je reviens sur la technique d'écriture d'Audiard, qui disait d'ailleurs que parfois il avait pris plusieurs phrases aux acteurs eux-mêmes, et pas seulement. Là, il témoigne, il dit « Un jour, je prends un taxi et le type s'engueule avec un autre. Quand on mettra les cons sur orbite, il n'aura pas fini de tourner. » Voilà maintenant, on sait où il allait pêcher ces dialogues géniaux. Ce dialogue-là, par exemple, il vient d'une scène de la vie quotidienne. Audiard est un fils d'ouvrier, un enfant d'ouvrier, il est un enfant du peuple, toute sa vie il a ouvert ses oreilles, et c'est vrai qu'il récupérait des phrases de Jean Gabin, bon, l'un était du 14e, Gabin était de Belleville, ses amis c'était aussi Auguste Le Breton, c'était aussi Albert Simonin, et puis voilà, c'était quelqu'un aussi, Audiard, qui aimait aller beaucoup dans les bistrots, hein, avec Albert Simonin, il ne se gênait pas pour passer des nuits entières à faire tous les bars de République et voilà, et avec d'autres d'ailleurs. Donc c'était quelqu'un qui était éminemment comment dire, un Français moyen, voilà. Et lui, il adorait se dépeindre comme un Français moyen, et qui donc écoutait ce qu'on lui disait. Je vous disais tout à l'heure, il avait une très grande facilité à écouter ses interlocuteurs et à comprendre leur phrasé. Alors j'avais vu une fois une critique qui lui disait, d'ailleurs très justement, il disait, mais un comédien aussi, un grand comédien, doit pouvoir s'emparer d'un texte qui n'est pas écrit pour lui. Bien sûr. Alors il disait, c'est très juste. Il disait, il y a des fois, j'ai écrit des textes où c'était comédiens X ou Y qui sont arrivés et ils ont fait du très très bon travail. Mais il disait, quand vous avez la possibilité d'écrire pour un comédien que vous connaissez, vous savez que ce Gabin va incarner tel rôle, Belmondo, c'est quand même beaucoup plus facile. Et il renvoyait, très justement d'ailleurs, à Molière qui a écrit quasiment toutes ses pièces en connaissant le nom des comédiens pour qui il écrivait. Quand vous écrivez, vous imaginez, parce qu'on ne vous dit pas, vous allez écrire pour tel comédien, notamment les fictions de France Inter, vous les écrivez. Oui. Et après, il y a des comédiens qui viennent se greffer à ça. Vous imaginez un physique quand vous écrivez, un visage, une façon de parler, vous imaginez l'homme imaginaire qui va incarner ce que vous écrivez? Vous avez une silhouette. Vous avez une silhouette dans la tête. Vous avez, que ce soit pour un personnage féminin ou masculin, vous avez une silhouette dans la tête. Après, là, je reviens à Michel Audiard, il disait, après, il faut un Stradivarius, je trouve que c'est un très beau mot. Lui, il a eu la chance dans son parcours très tôt, c'était en 49-50, d'avoir par exemple Louis Jouvet. Il était tout jeune, il commençait à peine à écrire des dialogues, et il a eu la possibilité d'avoir Louis Jouvet dans un film qui s'appelle Une histoire d'amour. Et là, il s'est dit, voilà, mes textes valent quelque chose parce qu'un grand comédien peut s'en emparer et peut en faire quelque chose. Voilà. Pour lui, c'était quand même une manière de s'étalonner. Abordons maintenant, et enfin, si vous voulez bien, Philippe Touzet, la face, on va dire, noire de Michel Audiard. Dans Le Monde et Le Nouvel Homme, sorti au mois d'octobre dernier, deux articles revenaient sur les années de la guerre et de l'occupation, donc également de la collaboration. Les deux articles parlaient de la revue Temps Noir, dans laquelle le rédacteur en chef, Franck Lebeau, lui parle du passé collabo d'Audiard, lorsqu'il écrivait dans des revues fascistes, de ses écrits et propos antisémites, des propos orduriers, qu'Audiard, d'ailleurs, n'a jamais reconnu, ni eu le courage d'expliquer, et il s'en est pas excusé. Il traitait, par exemple, dans L'Appel, un journal d'extrême droite collaborationniste, Joseph Kessel de Youpin. Vous étiez au courant de ce passé, de ces articles, et quand pensez-vous? Au courant, j'ai découvert comme beaucoup. Découvert comme beaucoup il y a peu de temps, il y a quelques semaines, grâce à Temps Noir, ses écrits, dont une nouvelle qui s'appelle Le Rescapé du Santa Maria, qui dépeint donc des personnages juifs d'une manière extrêmement déplacée, c'est le moins qu'on puisse dire, en choisissant ces mots. Ses écrits ne sont pas excusables, ne sont pas justifiables, et ils sont tout simplement condamnables. C'est vrai que ça laisse un arrière-goût amer au fond de la bouche. C'est... Oui, la notoriété n'est en aucun cas, la notoriété qui est venue par la suite, n'est en aucun cas une circonstance atténuante. De toute manière, dans ce genre de débat, je pense que le talent, le pouvoir, l'argent ne sont pas des circonstances atténuantes, encore plus quand on est un artiste. Parce qu'on entend parfois des phrases du style « oui, mais c'est un grand réalisateur, oui, mais c'est auteur ». Et bon, je pense pas qu'on dirait la même chose en disant « ah, il a écrit des textes orduriers, mais c'est un grand plombier ». Vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Donc le pouvoir, l'argent, le talent doivent conférer, je pense, ces paramètres doivent conférer plutôt des devoirs que des droits. Non, ce n'est pas excusable, tout simplement. Bien, merci infiniment, Michel Touzet, je rappelle, dialoguiste et notamment auteur de certaines de nos fictions du vendredi dans le cadre d'Affaires Sensibles. Vous allez continuer, bien sûr, et j'espère. Je l'espère aussi. Alors, à la prochaine fois. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui Audiard-Lautner, dans la cuisine des tontons flingueurs, une fiction écrite par Philippe Touzet, réalisée par Anne-Sophie Picon et Al Nioro, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Antoine Gomez et Rémi Quincet.